mon terrain, y'a plein de bails. Mais t'es la salle numéro 2. Tu veux de l'or ou bien du ice? Tout en fin de t'es ma sauvage. Les sirènes m'invitent à nager, mais c'est toi mon petit déj. Aïe, mais demande pas de ralentir. Les je paye doudou, tout est garanti. J'ai du miel, bébé, pour que ça glisse. Et si t'as froid, je serai ta canade à gauche. L'officiel, non, je ne snap pas l'officiel. Tout le monde est jalouse de l'officiel. Je love qu'avec mon officiel. Tout le monde veut ma go. Hey, y'a les belles mains disponibles. Hey, Chantelle fait la go. Hey, y'a les belles mains disponibles. Hey, tout le monde veut ma go. Mais c'est moi son bébé. Et Chantelle fait la go. Car c'est moi son bébé. C'est moi son bébé. C'est moi son, son mon face. Ah, c'est moi son, on mettait son poison. Oui, mon petit oiseau, colle son bassin. Ah, c'est moi son, oh, oh, oh, précis. J'envoie la potion. Et comme la mer, c'est ton corps à toutes les options. Tu mérites un merci, j'peux faire attention. Tu sais ce que j'apprécie, tu fais monter ma tension. Tout ça me rend bête. L'officiel, non, je ne snap pas l'officiel. Tout le monde est jaloux de l'officiel. J'love qu'avec mon officiel. Tout le monde veut ma go. Hey, y'a les belles mains disponibles. Chantelle fait la go. Hey, y'a les belles mains disponibles. Hey, tout le monde veut ma go. Mais c'est moi son bébé. Chantelle fait la go.